السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهلي وصحبه أجمعين، أما بعد، tout d'abord je m'excuse pour hier, j'avais annoncé qu'il allait faire le dans la soirée mais des imprévus m'en ont empêché quand dans la machafale. Il était trop tard après. J'aurais pu le faire, mais il était trop tard dans la soirée. Donc ce n'était pas convenable. Et donc on va prendre notre dars d'aujourd'hui. Biznillah ta'ala. La dernière fois, on avait pris deux hadiths également, qui étaient le 79e et 80e. Dans le hadith de Abu Huraira, qu'a dit le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-iman bid'un wa sab'un shu'ba, que la foi se compose de 70 branches, que la plus haute c'est de dire la ilaha illallah, et la plus basse c'est d'ôter les obstacles du lieu de passage, et que la pudeur est une branche de la foi. Et le hadith Samanoun, 80e hadith, ma minkum min ahadin illa yukallimuhu rabbuhu laisa baynahu wa baynahu turjuman, qu'il n'y aura qu'un d'entre vous sans que son Seigneur ne lui parle. Ça veut dire le Malqiyam. Et qu'il n'y aura aucun interprète entre les deux. Et ce hadith incita à faire le bien, aussi infime peut-il paraître. De se protéger du feu ne serait-ce que par un bout de date, un donnant sans d'accord à quelqu'un. Al-Yom Nakhouz al-Hadith al-Hadi wa Thamanin, 80e hadith. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه. إلا دين النبي صلى الله عليه وسلم de d'aroni mataloktukum, de laisser les choses qu'il nous a laissées. Ça veut dire de ne pas chercher à enfreindre ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a laissé dans sa sunna et autres. Il a dit que n'ont péri ceux d'avant nous que pour leur multitude de questions et leur divergence avec leur prophète. Et que si je vous interdis une chose, alors éloignez-vous-en. Et si je vous ordonne une chose, alors faites-la comme vous le pouvez. Non. Et ce hadith, justement, pour ceux qui suivent les doulos de Arba'in Nawawiyya, on l'a pris il n'y a pas longtemps, ce hadith-là. On en a parlé déjà. Donc ce hadith incite à suivre la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas chercher à la changer. C'est une wasiyya qu'il a faite, une recommandation. Yaqul al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, هذه الأسئلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي التي نهى الله عنها في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسوكم. Donc ces souhaits, ces questions qui ont été interdites, ce sont celles que Allah Azawajal a également interdites, citées dans son verset, dans le sens où il dit « Ô vous qui avez cru, n'interrogez pas à propos de choses que lorsqu'elles vous apparaîtront, elles vous déplairont. » Surat al-Ma'ida, verset 101. وهي الأسئلة التي يسأل عن أشياء من أمور الغيب أو من أمور التي عفى الله عنها فلم يحرمها ولم يجبها فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع فربما وجبت بسبب السؤال وربما حرمت ذلك فيدخل السائل في قوله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم. Donc ces questions-là, ce sont les questions par exemple qui touchent aux choses de l'invisible. Ou les choses qu'Allah Azzawajal, dont il nous a graciés, dont il n'a pas parlé. C'est-à-dire que de base, elles restent permises. On n'a aucun texte qui l'interdit. C'est-à-dire des choses que Allah n'a pas interdites et ni ne nous a rendues obligatoires. Donc il se peut que la personne vienne à interroger à ce sujet-là, c'était à l'époque du wahi, de la révélation, et qu'à cause de sa question, que la chose à laquelle il a interrogé, elle est rendue obligatoire. ou autre. Ou alors qu'elle est rendue haram, interdite. D'ailleurs, ce fut le cas lorsqu'un homme interrogeait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos du Hajj. Est-ce qu'on doit le faire chaque année? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a attendu un temps avant de répondre. Et après, il lui a répondu en disant une fois dans la vie. Il a dit, si jamais je t'avais répondu que oui au début, cela t'aurait été rendu obligatoire de le faire une fois par année. Chose qui aurait été qui n'aura pas été surmontable pour les gens. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il retransmet ce que Allah lui révèle. De base. Donc il y a des choses. Ça c'était à l'époque du Wahi. Maintenant l'époque du Wahi, elle est finie pour nous. D'accord? Mais à l'époque du Wahi, à cause d'une question qui était posée, il se peut qu'un jugement descende. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le musulman qui aura commis l'un des plus grands délits, c'est celui qui aura interrogé à propos d'une chose qui n'a pas été rendue interdite, et à cause de sa question, elle sera rendue interdite. À cause de sa question, la chose aura été rendue interdite. Maintenant, ça, ce jugement-là, il n'est plus à jour pour nous. Mais à son époque, cela était valable. Donc, Allah Azzawajal incitait aux Sahaba de ne pas interroger à propos de choses sur lesquelles il n'y avait pas de jugement. Mais il devait interroger pour des choses dont il connaissait le jugement, mais il voulait un tafsil, un détail. D'accord ? Allah. Et aussi, les choses qui sont relatives à l'invisible. Poser trop de questions dans ce domaine-là, cela mène à ce que les gens s'éparpillent. Et les gens sont très axés sur ce côté-là. Le monde des djinns, ainsi de suite, le monde des shayatines, plein de questions, des choses qui ne vont rien leur apporter, en réalité, dans leur religion. Et beaucoup de gens font cela, malheureusement. Une fois, j'étais en train de faire lancer à des petits jeunes par rapport à une bêtise qu'ils avaient faite. Un frère m'a dit qu'on parle leur, peut-être qu'ils vont t'écouter. Je leur ai parlé. Ils écoutaient, ils ne disaient rien. Et ensuite, il y en a un, je ne sais pas comment il en arrivait à me poser une question par rapport, où j'ai invoqué une chose par rapport aux djinns ou quoi. Et là, j'ai vu, ils ont été tout de suite, ça les a intrigués. Et là, ils ont commencé à enchaîner les questions sur le monde des djinns. La sorcellerie, ce genre de choses. Ça les a intrigués. Quand je parlais d'un siha pour leur bêtise, ils baissaient la tête, ils disaient rien, ils écoutaient, mais sans parler. Ensuite, dès qu'un sujet un peu plus attrayant leur est apparu, là, ils ont commencé à s'exprimer. Mais s'il y a ceci, mais s'il y a cela, et comment ça se passe ceci et cela, etc., etc. Et là, j'ai vu qu'en fait, ce qui était important pour eux, ils n'ont pas tenu compte, et ce qui était, on va dire, secondaire ou tertiaire, là, ça les a attirés. Donc, faut faire attention, poser des questions qui sont importantes. Et s'investir dans les sujets qui sont profitables à la personne dans sa religion au quotidien. Une fois, je me rappelle, c'était Cheikh Abdelhamid qui était interrogé par rapport aux anges. Ou même, non, à fois, c'était, je crois que c'était Cheikh Al-Fawzan, ou je ne sais plus quel Cheikh. Ou peut-être c'était chez les anciens. Je ne me rappelle plus, en tout cas, le Kalam il est sahih. Quelqu'un a interrogé, est-ce que Iblis, il a une femme? Et l'auteur, le chier a répondu, je ne sais pas, je n'étais pas présent lors des noces. Pour dire cette question-là, elle sert à rien du tout. Qu'il ait une femme, ou deux femmes, ou quatre femmes, ou cinq femmes, ou pas de femmes, qu'est-ce que ça va t'apporter? Allah, dans le Coran, a dit que tu avais à savoir sur lui qu'il est un ennemi pour toi, et qu'il est tenté de te nuire. Qu'il ait une femme ou pas de femme, ce n'est pas ton problème. Ou des gens qui demandent, quel était le bois duquel était tiré le bâton de Moussa, alayhi salam? Quel était le poisson dans lequel a été avalé Younous? Et ainsi de suite. Des questions qui ne servent à rien. Et il dit, وكذلك نهى عن سؤال التعنت والأغروطات وينهى أيضا عن السؤال عن الأمور الطفيفة غير مهمة. كذلك, il ne faut pas poser les questions qui sont trop insistantes sur les sujets. Comme ce fut le cas de Bani Israël qui avait interrogé à propos de la vache qui leur était ordonné de tuer. Au début, on leur a dit une vache. Hein? إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Que Allah vous a ordonné d'égorger une vache. C'est tout. Ils n'avaient qu'à prendre la première vache qu'ils voyaient et l'égorger. Mais non, ils ont commencé à poser plein de questions. Comment elle est, sa couleur, ainsi de suite. D'accord? Des questions qui n'auront pas été imposées à la base. Et bien de là, à cause de ces questions-là, Allah Azzawajal leur a rendu la religion plus difficile. Et leur a imposé de trouver une vache qui était dure à trouver. Et à la base, ces questions-là, elles ne posaient pas pour profiter du savoir. C'était juste pour comment dirais-je, Ta'annud, c'est le fait comme une forme de refus. Comme un peu de la moquerie. Et elle a relotante, ce sont les questions dans les sujets sensibles. Des questions dans les sujets sensibles et des questions vraiment, comment dirais-je, sur lesquelles il y a trop d'ambiguïté. Et dont le résultat peut amener à un mal pour la personne. Il rentre trop dans les détails. D'accord ? Des fois, des ulama, ils exposent des sujets, des masa'il. Et la masala, alhamdoulilah, elle est clarifiée. Et tant là, ils vont chercher des détails, la divergence qu'un autre il aura dit, la parole marginale qu'un autre il aura dite, ainsi de suite, et faire des implications. Donc cela implique ceci, cela, ainsi de suite. Et il finit par, bah, il finit par se perdre. Et lui-même, il est perturbé, il se met des doutes dans la tête tout seul. Il se met des doutes tout seul dans la tête. Et aussi les questions qui sont liées à des sujets qui ne sont pas importants. De trop insister dessus. En réalité, des questions qui ne t'apportent rien dans ta religion concrètement. Hein. L'exemple qu'on donne souvent, quelqu'un qui veut te dire, celui qui va sur la lune, comment il fait ? Est-ce que le sol de la lune, il est bon pour tayammum ? Par exemple, une question comme ça. Bon, on dit, va sur la lune, quand tu seras sur la lune, tu demanderas un alim. Inch'Allah. D'accord ? Ça, des questions, elles ne servent à rien du tout. Comment les cosmonautes, ils font l'eau ? Elle ne sert à rien du tout. Et s'il y a un cosmonaute qui va dans l'espace, comme ils le disent, et que c'est un musulman, t'inquiète pas, dans l'espace, il demandera à un savant, et t'as pas besoin de savoir, toi. C'est une fatwa qui ne servira que à lui. Car il sera seul là-haut. S'il y va, c'est vrai. Donc toi, c'est quoi la fidèle savoir comment un cosmonaute, il fait l'eau d'eau dans sa station spatiale? Ça ne sert à rien du tout. Yakul, wamma su'al ala wajh al-istirshad. عن المسائل الدينية من الأصول وفروع وعبادات ومعاملات فهي مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما حث عليها. Quant aux questions qui elles sont relatives aux règles de la religion qui te concernent dans tes obligations, des choses recommandées, choses interdites, choses obligatoires, donc tu as entendu la chose mais tu veux un jugement connaître, ça c'est une chose qui, justement, qui est demandée d'apprendre la religion dans la salat, les arcanes, les règles de la purification, dans le hajj, comment l'accomplir, qu'est-ce qui peut l'annuler, d'accord, dans le siyam, et autres, quand tu vas te marier, les règles du mariage, comment te comporter avec ton épouse, et elle, comment se comporter avec toi, avec les parents, les droits des autres, ainsi de suite. Ça, c'est la question qu'il faut demander. Les choses dont tu as besoin. Tu veux ouvrir un commerce, tu poses des questions dans le négoce. Quelle que soit la chose que tu entreprennes, tu te renseignes avant, tu ne rentres pas dedans, dans le brouillard pour demander par la suite une fois que t'as fait. Non, demande avant de faire. C'est pas une fois que t'as fait, j'ai fait ça, ça, ça, est-ce que c'est bon? Ça, c'est khata. Faut que tu demandes avant. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le commerce, tu apprends les règles du commerce. Par exemple, tu es quelqu'un qui veut chasser, faire de la chasse, tu apprends les règles de la chasse. C'est pas tu vas dans la forêt avec ton fusil ou je ne sais quoi, pour tuer un animal, après tu poses des questions, est-ce que je peux faire comme ça et comme ça? Fais-le avant. Kazalik, ceux qui se marient, ils se marient, et après ils posent des questions. Est-ce que le acte de mariage, il est correct comme on a fait? Est-ce qu'on telle et telle chose, elle est correcte? Est-ce que c'est valable? Fallait demander avant. Pas après. Car après, tu t'ouvres la porte aux ambiguïtés et à la difficulté. Donc les choses dans lesquelles tu vas t'investir, dont tu ignores les règles, à ce moment-là, tu interroges. Mais des choses concrètes, réelles, qui te concernent. Donc, quand l'État est là, فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. Surat al-Anbiya, verset 7. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ Alhamdulillah, excusez-moi. أَلِهَةً يُعْبَدُونَ. Il a dit, Allah Azzawajal, dans le sens, et demande à ceux que nous avons envoyés avant toi parmi nos messagers. Est-ce que nous avons donné une autre divinité à adorer en dehors d'Allah? Également, quand la Ta'ala, ou plutôt quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayra, yufaqihu fi d-din. Celui à qui Allah il veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Cette religion ne peut se comprendre que par l'apprentissage et les questions. Et autres. Mais attention, il faut poser les questions aux bonnes personnes. Car aujourd'hui, il y a des gens qui s'aventurent et s'avancent pour répondre aux questions sur les réseaux. des questions auxquelles ils ne sont pas aptes à répondre. Il faut demander, comme encore l'État Allah, elle est zikr. Les gens du rappel qui vont te rappeler la chose avec le dalil qui va avec. Ce sont les ulama de base. Ou les gens qui sont en relation avec les ulama. Ou des gens qui ont étudié auprès des ulama. Ainsi de suite. C'est vers ces gens-là qu'il faut revenir pour demander. Lorsqu'on n'a pas directement accès aux ulama, ce qui peut avoir un lien avec eux. Mais aussi, il y a des gens qui ont un niveau, des fois, si on t'interroge sur une question dont tu connais la preuve, dont tu as du ilm, tu peux répondre, même si tu n'es pas un étudiant ou tu n'es pas autre. Parce que les gens disent, moi, je réponds à aucune question. On dit, mais non. Là, il faut la tafrette. Si la question qu'on te pose, tu as une réponse et la personne en a besoin, réponds-lui. Souvent, on donne l'exemple, un nouveau converti vient, ou un nouveau repenti vient, et il veut savoir, par exemple, il ne connaît pas les règles de la religion. Il te dit, est-ce que je dois faire l'ozo avant chaque salat? Toi, tu connais la réponse. Tu ne vas pas dire non, appelle chez un tel pour demander. Réponds-lui, tu dis non, tu fais l'ozo que si jamais tu as perdu tes ablutions pour la salat. Si jamais tu as l'ozo avec toi et que tu as fait une salat qui arrive, tu n'es pas obligé de le refaire. Si tu veux le refaire, c'est tant mieux pour toi, mais ce n'est pas une obligation. D'accord? Tu peux répondre à ça. Les choses que tu connais, que tu as déjà entendues, et tu es sur le ilm, tu peux répondre. Même si tu n'es pas quelqu'un qui a... Parce qu'il y en a qui disent, ouais, je ne suis pas de fatwa. D'accord ? Quelqu'un te pose une question dans la religion, tu as la réponse, tu te dois de lui répondre. Il t'a fait confiance. Maintenant, il te pose une question, tu n'as pas le savoir, ou tu doutes, ou tu n'es pas sûr, ou autre. Là, oui, tu renvoies à plus savant que toi. وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِرِفْقِ بِسَائِلْ وَإِعْطَائِهِ مَتْلُوبَهُ وعدم التدجر نعم تدجر منه فقال تعالى واما السائل فلا تنهر وهذا يشمل السائل عن العلوم النافعه والسائل لما يحتاجه من امور الدنيا من مال وغيره اي الله عز وجل a ordonné d'être doux envers le questionneur, de lui répondre d'une façon qui est convenable, dans le sens où il dit et quant au questionneur ou demandeur, alors ne le rejette pas. Et cela concerne celui qui te demande une chose en religion, ou celui qui te demande une chose dans la dunya comme un mendiant dans le besoin, ou quelqu'un qui a un besoin que tu peux lui apporter. Les gens, ne faut pas les rejeter tant que tu es en mesure de pouvoir leur donner ce qu'ils attendent de toi. Et il dit, parmi les questions également qui sont à proscrire, ce sont les questions qui concernent Allah Azawajal. Le comment de ses attributs, de ses noms et autres. De trop vouloir s'immiscer dans le domaine qui touche aux zat d'Allah Azzawajal, à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans le Coran nous a dit ce qu'on avait à savoir à son sujet. Ses noms, ses attributs. Et ne pas dépasser les limites, sinon on va rentrer dans les choses qui sont mauvaises. Comme cet homme qui a demandé à l'imam Malik, Kefal Stiwa, comment est-ce que Allah Azzawajal s'est élevé? Cette question-là, elle a été proscrite. Et l'imam Malik a considéré cet homme-là comme un innovateur. C'est une question qu'on ne pose pas. Donc, le comment des attributs, on ne demande pas. Le comment d'Allah Azawajal, on ne demande pas. Le comment, il y en a un, mais nous, on l'ignore. Nous, on connaît le sens. On connaît les attributs qu'Allah Azawajal nous a révélés dans sa religion, dans les textes authentiques, dans le Coran ou dans la Sunna. Quant au comment, et après les tafassis de quoi, on n'a pas rentré dedans. Car ce sont des choses qui nous dépassent. Et qui ne sont pas, que Allah ne nous a pas demandé de chercher. C'est des choses qu'on n'a pas à chercher, juste à croire et à entendre. C'est tout. Yaqul wa zakara sallallahu alayhi wa sallam fi hadal hadith aslayn azimayn. Dans ce hadith, le prophète, alayhi salatu wa sallam, a cité deux fondements importants. Qui sont ma nahaytukum anhu fashtanibuhu. Ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. Il n'a pas dit ne le faites pas, il a dit éloignez-vous-en. Ce qui est un sens qui est bien plus large. Et cela concerne les paroles et les actes. Nous devons le délaisser. An-nahi, c'est le fait de délaisser une chose qui nous a été rendue interdite. Tu ne la fais pas. Tu ne la dis pas. Tu ne t'en approches pas. Tu ne la manges pas. Tu ne la touches pas. Tu ne l'écoutes pas. Et ainsi de suite. Et bien ça, à la base, comme les ulama le disent, c'est à la portée de tout le monde. Ne le fais pas. D'accord ? Ne le fais pas. Car le faire va t'emmener à enfreindre et à faire une chose justement que la religion t'a dit de ne pas faire, ça veut dire tu vas te surcharger. Les ulama donnent l'exemple de la barbe pour les hommes. Le Nabi sallam quand est urfulluha. Dans le sens, laissez pousser vos barbes. Donc ta barbe, tu ne la touches pas. C'est un ordre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui amène à quoi qui amène, en fait, à une interdiction de la toucher. Ça implique cela. Car en réalité, se raser ou se tailler ou autre, eh ben, c'est une surcharge. Laisser pousser la barbe, c'est ce qui est plus facile. C'est ce qui est plus facile à faire. Tu ne la touches pas, tu laisses comme elle est. Juste tu l'entretiens, tu la laves, tu la soignes, tu la peignes. Mais sinon, tu ne la touches pas. Les gens qui vont se raser, ils se surchargent de dépenses, de fatigue et de temps. Et en plus, ils prennent des péchés. C'est un exemple. Yaqul. Et contrairement à l'ordre, dans l'ordre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parce que je vous ai ordonné, faites comme vous le pouvez. » Dans l'interdiction, il n'a pas mis cette condition-là de faire comme vous pouvez. Car à la base, délaisser une chose, cela est facile. Cela ne demande aucun effort. C'est ce que je viens de dire, l'exemple de la barbe, par exemple, pour les hommes. Alors que faire une chose, un ordre, cela demande d'agir. Donc des fois, cet ordre peut être difficile à réaliser. Taïeb, mathalen, quelqu'un qui veut faire la salat, il est malade. Il ne peut pas tenir debout. Donc, il fait comme il peut. Il fait assis. Ainsi de suite. Celui qui est malade, qui doit jeûner, à ce moment-là, selon un avis, s'il ne peut pas jeûner et qu'il ne peut pas rattraper les jours qu'il a à jeûner, selon un avis, il compense en nourrissant des pauvres. Et sinon, s'il peut rattraper, il rattrape. Donc il a fait comme il pouvait. Aujourd'hui il ne peut pas, demain il ne peut pas, mais peut-être que plus tard il pourra le faire, donc il le fera à ce moment-là. Vous voyez ? Wakaza. Et des choses, lorsqu'on ne peut pas les faire, on est excusé de ne pas pouvoir les faire. Mais quand on dit ne peut pas les faire, c'est avec une excuse légiférée, et pas de nous-mêmes. Car t'as des gens, ils ont ce côté-là de ne pas vouloir faire les choses, ils disent « je ne peux pas le faire ». Ils disent « peuvent le faire », mais ils n'ont pas envie de le faire. Là, ces versets et ces hadiths viennent pour les gens qui concrètement sont excusés, qui ont une excuse légiférée de ne pouvoir agir. Là, ils sont excusés et ils passent à l'étape qui est en dessous. Jusqu'à arriver à l'étape finale. Par exemple, tu veux faire l'ozo, il n'y a pas d'eau. Comment tu fais ? Tayammum. Tu veux faire l'ozo, mais t'es malade. Comment tu fais ? Tayammum. Tu veux faire l'ozo, mais t'es blessé à l'endroit des membres qui sont touchés par les ablutions. Comment tu fais ? À ce moment-là, il y a divergence. Soit tu fais tayammum, ou soit tu penses ta blessure et tu essuies dessus. Et d'autres qui disent que tu fais tayammum et le roseau. Ça, c'est une masala à divergence qu'on va pas en débattre maintenant, mais juste pour te dire que tu ne peux pas, tu passes à l'étape qui vient après que la législation t'a donnée. Pas que t'inventes toi-même. Les gens vont dire, ouais, j'ai mal au bras, je fais le dos, mais sauf le bras. On dit non. C'est pas comme ça que ça marche. Par exemple. Ou des gens qui s'en vendent des excuses pour ne pas faire telle et telle chose. Pour sortir la salade de son temps. Sans excuse. Je fais pas, je travaille, je la ferai plus tard. Non, t'as pas le droit. Tu dois la faire maintenant. Le travail n'est pas une excuse. Et autre que cela. Donc il a dit, فَأْتُمِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ. Faites comme vous le pouvez, c'est-à-dire selon vos capacités. Selon vos capacités. Et c'est un verset où Allah dans le Coran, il dit « Fattakullaha mastata'atum » et craignez Allah comme vous le pouvez. Car ce verset-là est venu pour abroger celui qui était avant, qui était « Ya ayyuhallazina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun » Vous qui avez cru, craignez Allah comme il le mérite et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Et craignez Allah comme il le mérite, on ne peut pas le faire concrètement, car c'est bien trop fort pour nous. Donc il a dit « Fattakullaha mastata'atum ». Ensuite, ça a été abrogé, selon un avis, par ce verset-là. « Craignez Allah comme vous le pouvez ». Mais faire les choses à 100% de A à Z en continu, ce n'est pas possible pour nous. Dans sa miséricorde, Allah Azawajal nous a mis comme condition la capacité de faire la chose. Comme le Hajj, celui qui ne peut pas faire le Hajj et qui a les moyens, mais qui ne pourra jamais le faire pour une maladie incurable ou quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il peut donner de l'argent à quelqu'un qui lui accomplisse à sa place, par exemple. Donc le Hajj, il l'a fait à sa façon. Il n'a pas été lui, mais quelqu'un l'a fait pour lui, mais à ses frais à lui. Donc cela lui comptait pour lui. Celui qui ne peut pas marcher dans le Hajj, il peut le faire le tawaf sur une chaise roulante. Maintenant, vous allez voir à Mecca, il y a même des voitures électriques que tu peux louer, tu fais le sa'i avec, c'est pas le tawaf, c'est le sa'i. Là, on fait les allers-retours entre Safa et Marwa, et ben il y a des voitures électriques maintenant pour ceux qui ne peuvent pas marcher et qui ne trouvent personne pour le pousser avec la chaise roulante, et ben il loue une voiture électrique, il la conduit. Et ben ça accepte Shal'an, parce qu'il est excusé de ne pouvoir faire le sa'i, c'est-à-dire s'accourir entre les deux monts, physiquement. Donc plein aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a plein de moyens qui nous permettent de pouvoir compenser et les manques auxquels on peut être confronté. Et j'avais donné une faïda très importante dans le dirs justement de Abran Nawi par rapport à ce hadith. Qu'est-ce qui est plus grave? D'enfreindre un interdit ou de délaisser un ordre? Là-dessus, est différent à Kouel. Mais le call qui paraît comme étant le plus fort, c'est un call que Ibn Qayyim il a donné, c'est que délaisser, plutôt on va dire, enfreindre un interdit est moins grave que de contredire un ordre. Car l'interdit, souvent, il va être lié à quoi? Au shahawat. Tu dis, ne fais pas ça, tu vas le faire quand même. Par envie, par tentation. Alors qu'on va te dire, fais telle chose et tu ne la fais pas, souvent, ça vient de quoi? Par l'orgueil. Et le plus grand exemple qu'on a, comme Dalil, c'est l'histoire de Adam avec Iblis. Allah Azawajal, il interdit à Adam de s'approcher de l'arbre. Donc c'est une interdiction juste, ne touche pas à cet arbre. Adam, alayhi salam, a enfreint, il a approché l'arbre, après avoir été bien sûr tenté et avoir été trompé, leurré par Shaitan, et incité par son épouse Hawa, à ce moment-là. Et pourtant, regardez quelle était la conséquence, il a fait Tawbah et Allah Azawajal lui a pardonné. Alors que Iblis, il a refusé l'ordre qui était de se prosterner pour Adam, par orgueil et jalousie. Et de là, cela lui a valu d'être damné, et d'être celui que vous connaissez aujourd'hui, l'ennemi déclaré au Mukallafin, aux hommes comme aux djinns. Donc qui a fait la chose la plus grave des deux? C'est Iblis, il a refusé l'ordre, de se soumettre à l'ordre. Adam a enfreint l'interdit, mais s'est repenti, et cela lui a été excusé. Donc de là, il y a des ulama qui disent que, en réalité, enfreindre un interdit est plus pardonnable que de laisser un ordre. Car souvent, cela découle d'orgueil, de kibr. Et quand on parle de laisser un ordre, c'est de laisser dans le bilkulliya, complètement. C'est pas comme Iblis, il a refusé totalement de se prosterner devant Adam. Avec des excuses qui étaient vaines. « Ana khayrun minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. » Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui de terre. Donc je n'ai pas prosterné devant lui. Ça, c'était du pur orgueil. Du pur orgueil. Et cet orgueil lui a valu de mécroire. Et ce hadith nous explique également que ceux d'avant nous ont péri. Pour quelle raison? Justement, pour avoir divergé avec leur prophète. Donc là, c'est une leçon pour la Ummah aujourd'hui. De ne pas diverger avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'obéir à ses ordres. Et de délaisser les interdits. Et cela, c'est parmi les muqtada du qawl, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lorsqu'on dit atteste que Muhammad est le messager d'Allah, cela implique cela que tu crois en ce qu'il dit. Et que tu obéis à ses ordres. Et que tu délaisses ce qu'il a interdit. Et que tu sais qu'on ne peut adorer Allah azawajal que parce qu'il a enseigné. Cela revient à cela. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ata'ani faqad ata' Allah. Celui qui m'a obéi aura obéi à Allah. Celui qui m'aura désobéi aura désobéi à Allah. Donc cela revient à désobéir à Allah Azzawajal. Donc ce hadith vient nous mettre en garde contre le fait de désobéir. Car cela était la cause de la perte des oumams qui étaient avant nous. ils ont divergé d'avec leur prophète. De leur vivant et après leur mort. De leur vivant, certains se sont rebellés. Et après sa mort, ils ont délaissé la sunna de leur prophète. Et ils ont commencé à changer, à falsifier. Et dans l'Ummah, on en a plein qui le font là maintenant. C'est pour ça qu'il faut leur fermer, faut couper court à leur mal. Les innovateurs, les égarés, d'accord ? Car des gens disent qu'il ne faut pas parler, ainsi de suite. Non, justement. Il faut empêcher ces gens de faire du mal, car si on les laisse faire, ils vont changer la religion, tout comme les gens du livre ont changé leur religion. Pas l'innovation, pas les inventions, pas les mensonges, pas les irstisanat. Irstisanat, c'est les assentiments de voir une chose bonne, donc on va la faire. On estime que c'est bon, on va la faire. Ou le contraire. On voit une chose dans la religion, elle n'est pas correcte, on va la délaisser. Non, la religion ne la change pas. Et ces gens-là, il ne faut pas les laisser faire. Et on avait pris dans le hadith d'Ibn Abbas dans Abraham Nawawiyah, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Irfazillah yarfazka. Irfazillah tajidu tujahaka. Il a dit à Ibn Abbas, protège Allah, Allah te protégera. Protège Allah, tu le trouveras au-devant de toi. Et protéger Allah, ça veut dire protéger sa religion. L'appliquer, y appeler, et la protéger de tout ce qui n'en fait pas partie. De la préserver de tout ce qui en est étranger. Et rester intègre à cette religion-là. Et de là, Allah Azzawajal nous rétribuera par sa protection. Donc le Mubtadir, il est marzoul. Le Mubtadir, l'innovateur, il est abandonné par Allah Azzawajal, il n'est pas protégé. Car lui-même ne protège pas la religion, voire même il la détruit de l'intérieur, en la changeant. Qu'il s'en rende compte ou pas. Donc voilà, en résumé, ce que l'auteur a dit également de ce hadith-là. Ensuite, on prend le hadith « Al-Thani wa Thamanoun ». 82e hadith. عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. Il a dit Nabi صلى الله عليه وسلم, celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fera pas miséricorde. Le hadith, il est muttafaq alayh. Et ça revient à cette règle qui est que kama tudin tudan, comme tu fais, tu subiras. Si tu fais du bien, tu subiras du bien. Si tu fais du mal, tu subiras du mal. Et cela via la créature. Cela sera le décret d'Allah Azzawajal, mais pas la créature. Et l'injustice se paye toujours un jour. Directement ou indirectement. Quelqu'un qui fait du mal aux autres, ça se retourne contre lui. Même s'il ne voit pas, quand lui-même lui arrive un mal, pourquoi ça lui arrive ? C'est qu'il a fait du mal à autrui et il le goûte peut-être par une autre voie que celle que lui-même a provoquée. Et le bien également. Le bien que tu fais, tu également en seras rétribué, en ce bas monde et dans l'au-delà, que tu le vois directement ou pas. Toujours. Donc la justice, elle existe. Des gens, ils disent il n'y a pas de justice. On dit il n'y a pas de justice chez l'homme. Mais Allah Azzawajal fait que sa justice, elle est appliquée, même si on ne le voit pas, nous. Même si on ne le voit pas. Et la justice la plus claire, c'est celle qui aura lieu au Qiyama. Lorsqu'on sera devant Allah Azzawajal pour rendre des comptes. Celle-ci, elle sera, d'accord, elle sera claire pour tous. Le mal sera démontré clairement, tu as fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et Allah pardonnera qui il veut parmi ses serviteurs. Et il châtiera qui il veut parmi ses serviteurs. Quant aux koufars, eux, c'est châtiment seulement. Que châtiment. Et dans un autre hadith, il a dit Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ar-Rahimun yarhamahumu ar-Rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fil sama. Alhamdulillah. Il a dit Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le miséricordieux, c'est-à-dire les gens qui sont miséricordieux, auront la miséricorde du miséricordieux. C'est-à-dire Ar-Rahman, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, et vous ferez miséricorde à celui qui est aux cieux. Et quand on dit aux cieux, c'est au-dessus des cieux. On le précise à chaque fois. Car Allah Azzawajal n'est pas dans le ciel, mais au-dessus. Élevé au-dessus de sa création. Mais quand on traduit, quand on dit ça, c'est l'orvan, c'est par rapport au terme. Quand on dit aux cieux, mais le sens, c'est au-dessus des cieux. Donc ce hadith également est une preuve qu'Allah Azzawajal, d'accord, il est au-dessus des cieux. Pour ceux qui voudraient tout le temps amené à contredire cela, à dire qu'Allah il est partout, ou que comme certains qui disent comme les Ahbesh, Allah il est nulle part, et ainsi de suite. On dit là, Ar-Rahman, ala al-Arash istawa. Miséricordieux, qui est levé, d'accord, sur son trône. Et il est au-dessus des cieux. Il faut y croire. Et celui qui n'y croit pas aura mécru. Yaqul fa rahmatul 'abd lil khalq min akbar al-asbab allati tunalu biha rahmatullah. Donc le fait d'être miséricordieux envers les gens, la créature, est une grande cause pour obtenir soi-même la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui apportera un bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et cela implique le contraire. Celui qui n'est pas miséricordieux, qui est dur envers les gens, subira lui-même ce mal. Ce mal se retournera contre lui. وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. Que certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Al-A'raf, verset 57 ou 56. Et cette rahma, comme l'auteur le dit, elle est de deux sortes. Rahma ghaliza wa rahma muktasaba. La rahma qui est ghaliza, c'est celle que la personne elle a en elle. C'est-à-dire, c'est la rahma, c'est instinctif, que les gens ont de la pitié pour les autres. Quelqu'un qui subit du mal, même si c'est un kafir qui subit une injustice, ça te fait du mal. Tu n'aimes pas cela, ça te révolte. Tu vois quelqu'un en situation difficile, ça te fait de la peine. Même demain, tu marches dans la rue, tu vois un clochard qui dort dehors, ça te fait de la peine. D'accord ? Ça te fait de la peine de le voir comme ça. Ou tu vois des gens qui subissent du mal, qui se font agresser, ça fait de la peine, qui qu'ils soient. Mais encore plus quand ce sont nos frères musulmans, quand c'est des koufars, et dont on ne sait pas la cause. Je ne parle pas de quelqu'un, par exemple, qui a fait du mal, et tu le vois devant lui, il paye le mal qu'il a fait. Là, je parle de quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il a fait auparavant, tu ne sais rien de lui, mais tu vois, il subit une injustice. Ou une situation qui est difficile. Ça fait de la peine. Ça touche le cœur. Donc ça, c'est instinctif. Les gens, ils ont ça en eux de base. Et celui qui met cette rahma au service de l'adoration, c'est-à-dire, il réfléchit à cette rahma, il n'est pas pris par les émotions, mais c'est une rahma, il la place à sa place, c'est-à-dire, c'est pas, elle lui fait dépasser les limites, et commencer à aimer qu'il ne faut pas aimer, ou détester qu'il ne faut pas détester, par exemple. Eh ben, ça sera bien pour lui. Car dans la rahma, tu vas en trouver, même chez les animaux. La mère avec ses enfants. Ainsi de suite. Et l'autre rahma, c'est celle qui est muktasaba, c'est celle que la personne, tente de se mettre en lui. Il tente de la provoquer. Et celle-ci, elle est la plus dure. Donc il fait un effort sur lui pour tenter d'aider les gens en détresse, par exemple, parmi la Oumma. Même s'il ne sent pas en lui, on va dire, ce sentiment de Rahma, il va vouloir en faire preuve. Par exemple, il va avoir un mendiant, un musulman qui demande de l'argent. On va dire que c'est quelqu'un en qui il fait confiance, parce que t'en as plein aujourd'hui des escrocs. Quelqu'un, il le voit comme ça. Et c'est une personne, on va dire, de base, elle est un peu avare. Et il dit non. Lui, il a besoin d'argent. C'est une occasion que je puisse faire un effort sur moi-même. Je vais le donner. Donc là, c'est une rahma qui va se lui-même provoquer, en fait. De base, il aurait pu passer devant lui sans le calculer. Mais là, il a vu. Il s'est dit, je vais l'aider. Je vais faire un effort sur moi, je vais l'aider. Et bien, répéter cela sur soi-même, cette rahma qui est muktasaba, qui, elle, est provoquée, elle va finir par devenir naturelle. Après, il sera habitué. Et son cœur va s'apaiser. Va s'adoucir, on va dire. Son cœur va s'adoucir. Wa yakul wadi rahma allati fil kulub, tazhar asaruha ala jawarih wal lisan, fis sa'i fi isal al bir wal khayr. Et cette rahma qui est dans les cœurs, elle va apparaître à travers les membres et à travers la langue, dans les paroles qu'on va avoir, dans les actes qu'on va avoir, dans l'effort qu'on va fournir à vouloir faire du bien, et ainsi de suite, et pouvoir profiter aux gens, selon nos capacités, et également de tenter de les préserver du mal qui puisse les toucher. D'ailleurs, on a appris dans les hadiths précédents que le niveau le plus bas de la foi, c'est quoi ? C'est enlever un obstacle du lieu de passage. c'est un acte de rahma. Tu penses que cet acte, cette chose dans, sur le passage peut nuire à autrui. Une petite pierre sur la route peut être la cause qui cause d'un accident mortel pour des gens. Tu la vois, la pierre, pousse-la. Par exemple, tu vois un obstacle, une chose qui peut nuire, pousse-le. Cela est à portée. Et un homme rentre au Jannah en faisant cela, comme on a appris auparavant. Et cette rahma, elle est encore plus forte quand cela touche nos frères. Aujourd'hui, on est confronté à cela. Et ce qui se passe en Palestine, par exemple. D'accord ? Cela touche tous les musulmans. Même les koufars, là, ils sont touchés par ça. De voir une injustice aussi flagrante qui se fait et que les gens la justifient. Et se permettre de continuer. Et que tu vois les gens, certains qui applaudissent, qui encouragent, et que si jamais tu te veux à vouloir faire preuve de rahma pour eux, on te qualifie de terroriste qui fait de l'apologie, ou de quelqu'un qui appelle, qui fait de l'apologie au terrorisme. Tu dis Allahu Akbar. Il y a des enfants, des femmes, des vieillards qui sont en train de mourir injustement. Nous, on a de la rahma pour eux, sans même regarder le reste. Juste ça. Sans même regarder le reste. On fait des doigts pour eux, on parle en leur faveur, tu appelles au terrorisme. Tu dis, mais vous êtes des fous dans vos têtes ou quoi, là? Ça va pas ou quoi? On arrive où, là? Même si auraient été des koufars, par exemple, ce qui arrive entre la Russie et l'Ukraine, les civils qui ont subi les dommages, ça nous a fait de la peine pour eux. Est-ce qu'on a invoqué pour eux? Invoqué pour les koufars? Ma viveida. On invoque que Allah les guide. Que Allah les guide. D'accord? Et que Allah fasse que l'injuste subisse l'injustice qu'il a fait, qu'il a fait subir. Mais maintenant, le secours qu'on va demander et l'aide qu'on pourra apporter financièrement ou physiquement si on en avait la capacité et appeler les gens à agir dans le bien, ça sera avec nos frères. Les doigts qu'on fait dans la salawat, quand les ulama ils font le kunut dans les salawat, c'est pour les frères, c'est pour les musulmans, c'est pas pour les koufars. Ben les koufars, on invoque contre eux, justement. On invoque contre eux, ceux qui font du mal comme ça, qui cautionnent et qui approuvent et qui encouragent. On invoque contre eux, ces gens-là. Et la religion, elle sera sauvée quoi qu'il en soit. Sachez-le, la religion, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà annoncé « Inna Allah l'insura hadad din » que Allah va sauver sa religion. Avec ou sans nous, elle saura sauver la religion. Mais il y a des épreuves, et comme encore le Ta'ala, « Mata Nasrullah » أخذتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Ils ont subi de la fatigue, des épreuves que la terre a tombé sur leurs pieds à tel point que des messagers et des gens qui étaient avec eux ont dit quand viendra le secours d'Allah. C'est ça la question, quand il viendra? Mais il va venir. Et à ce moment-là, on verra qui était parmi ceux qui ont contribué à ce secours et qui sont ceux qui l'ont abandonné et qui l'ont abandonné. Ça apparaîtra également. Et ce n'est pas les gens qui crient le plus fort qui sont les meilleurs secoureurs, hein, croyez-moi. Ce n'est pas les gens qui crient le plus à Palestine, dans la rue, sur les réseaux, quoi, qui sont les gens qui sont les plus grandes causes de secours pour eux. Croyez-moi. Ce n'est pas crier, casser les voix et en parler tout le temps que tu seras une cause de secours pour eux. Ensuite, justement, l'auteur, il a donné l'exemple d'une rahma qui a valu le Jannah à une femme. Qui était-elle? Cette prostituée des Bani Israël qui a fait preuve de rahma envers un chien en l'abreuvant. Cela a été une cause qui, par la suite, l'a fait rentrer au Jannah. Et l'autre, c'est cette femme qui avait un chat et elle l'empêchait de sortir, de se nourrir, et elle même ne le nourrissait pas. Elle n'a pas fait preuve de rahma envers ce chat. Résultat, elle a été au feu pour ça. Une avec un chien, et une avec un chat. Et ce ne sont pas des hommes. Alors que dire avec un homme? Avec un être humain? Qu'en est-il? De faire du bien à un être humain ou de nuire à un être humain qui a une valeur plus haute auprès d'Allah Azzawajal que ces animaux qui ne sont pas mukallafoun. Donc voilà, je pense que cela suffira en résumé par rapport à ces deux hadiths, biznillah ta'ala. J'informe que le dirs de ce soir de Arba'in Nawawiyya est reporté à demain. Ce soir, je ne pourrai pas le faire. Donc il est reporté à demain soir. Je n'ai pas encore l'horaire. Est-ce que c'est après le Maghreb ou après le Isha? Cela dépendra de mon emploi du temps. Donc ce soir, il n'y aura pas de ders. Et demain, pareillement, le ders de la beauté des cœurs, ce n'est pas sûr qu'il ait lieu. Et par contre, à Bannaouya, normalement, il aura lieu, mais il n'y a pas l'horaire exact. D'accord? Donc tout cela, vous en serez informé en temps et en heure, biznillah ta'ala. فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته